On l'appelait le croque-mort. Un grand type, au visage cireux, toujours vêtu d'un complet noir, qui peinait à sourire et ne riait jamais. Marié à une femme dévote, père de famille nombreuse et catholique conservateur proche de l'Opus Dei, il n'aurait manqué pour rien au monde la messe dominicale célébrée dans une petite église de la banlieue résidentielle de Vienna, une ville de l'État de Virginie, près de Washington. Quel emploi occupait-il ? Ses voisins devinaient que cet homme tranquille qui se déplaçait dans une forte russe cabossée devait être un modeste fonctionnaire dans quelque administration fédérale, mais il n'en savait guère plus. Le croque-mort n'était pas très liant. Bonjour, bonsoir, et c'est tout simplement, remarquait-on que le soir, il avait l'habitude de promener son chien dans l'un ou l'autre des parcs de cette ville de banlieue, seul, toujours seul. Aussi, la stupéfaction a-t-elle été totale lorsque le 18 février 2001, on a appris que Robert Philippe Hansen était un crack du FBI et qu'il venait d'être arrêté pour espionnage. Depuis plus de 15 ans, cet as du contre-espionnage communiquait des documents ultra-secrets aux Russes, d'abord au KGB, puis au service qui lui a succédé, le SVR. Le chasseur d'espions était donc un espion lui-même. Et cette nouvelle histoire semblait être une réplique parfaite de l'affaire Eldridge Ames, du nom de cette taupe dissimulée au cœur de la CIA et qui était lui aussi un spécialiste du contre-espionnage. Ames a été arrêté au milieu des années 90. Nous avons évoqué ce dossier ici même avec M. X. Mais si cette nouvelle affaire a provoqué un véritable choc au sein de la communauté américaine du renseignement et bien sûr de l'administration fédérale, c'est qu'on semblait soudain découvrir que malgré la fin de la guerre froide, les services secrets russes demeuraient aussi actifs qu'autrefois. Toutefois, cette affaire Hansen, qui a été vécue comme une véritable humiliation par le FBI, n'est pas aussi claire qu'il y paraît. Monsieur X se propose d'en dévoiler quelques-uns des mystères. C'est vrai qu'avec la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Empire soviétique, les Américains pouvaient espérer une sorte d'accalmie sur le front de l'espionnage. Mais la Russie était désormais une nation amie et son état de déliquescence laissait penser que les espions de l'Est baisseraient les bras, au moins provisoirement. Oui, mais il n'en a rien été. Non, je vais vous le prouver d'ailleurs. Mais avant, remarquons qu'avec la chute du mur de Berlin et la désagrégation générale qui s'en est suivie en Europe de l'Est, la CIA a changé de méthode. On le lui a d'ailleurs beaucoup reproché ces temps derniers. Oui, c'est-à-dire qu'elle a renoncé à utiliser des hommes de terrain au profit de l'information électronique. Oui, c'est à peu près ça. D'ailleurs, de nombreux postes clandestins établis à l'étranger ont été fermés et la CIA a préféré faire confiance à ses grandes oreilles et à celle de la NSA, l'Agence Nationale de Sécurité. Le résultat, on le connaît, sans contact avec le terrain, la centrale américaine s'est enfoncée dans la paperasserie et s'est révélée incapable de prévenir les actes de terrorisme comme on l'a vu, malheureusement, à New York au mois de septembre dernier. Oui, mais je crois savoir que cette évolution avait été amorcée il y a longtemps. Hein. Et vous avez raison. Ça a commencé au beau milieu des années 70, lorsque le gouvernement des États-Unis a décidé de moraliser les activités de la CIA. Fini les coups tordus, les assassinats de dirigeants étrangers, le recours à des hommes au passé douteux, en principe. Enfin, vous savez bien, on ne fait pas du renseignement avec des bons sentiments. Ouais. C'est donc, enfin, pour vous, c'était donc le début d'une sorte de déclin. Oui, en tout cas, le début d'un certain immobilisme. Mais pardon pour ce long préambule et revenons, si vous le voulez bien, à ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'activité des services russes aux États-Unis. Robert Hansen a été démasqué au début de 2001. Oui, bon, apparemment, il y avait déjà eu l'affaire Ames. Oui, hein, une affaire est excessivement grave, puisqu'on a découvert à cette occasion que cette taupe avait créé des dommages irréparables à la CIA et que de nombreux agents américains en poste derrière le rideau de fer avaient été arrêtés et exécutés à cause de lui. Mais ce n'est pas la seule affaire. En 1996, par exemple, un chef de service de la CIA est arrêté alors qu'il allait quitter le territoire américain. Une taupe encore ? Oui, Harold Nicholson collaborait avec les Russes depuis 2 ans. Pour quelle raison ? L'argent. Il avait longtemps vécu à l'étranger, de retour au pays, sa solde lui paraissait trop modeste. Ben voyons. Et comment a-t-il été démasqué, là ? Oh, le plus simplement du monde. Vous savez peut-être que tous les 3 ans, les agents américains de la CIA doivent se soumettre à un test de polygraphe. Ah oui, c'est le détecteur de mensonges. Oui, et à la question « Cachez-vous des contacts avec une puissance étrangère ?», Nicholson a manifesté une émotivité qui n'a pas échappé à l'appareil. Mais je croyais pourtant que les espions soviétiques étaient entraînés justement à subir ce test. C'est juste, mais cet entraînement demande un contact physique entre la taupe et ses officiers traitants. C'est bien trop dangereux. En général, seuls les espions qui venaient de Russie ou autrefois de l'URSS étaient préparés à tromper le polygraphe. Donc là, ce Nicholson se trahit, c'est oui, ça? Mais cet échec n'est pas une preuve. Et personnellement, vous savez ce que je pense de cet appareil auquel les Américains font souvent une confiance trop aveugle. En tout cas, après ce test négatif, Nicholson fait l'objet d'une surveillance permanente et une caméra installée dans son bureau le prend la main dans le sac en train de photographier des documents classés. Pas très malin, ça. Bien entendu. Après son passage au détecteur de mensonges, il aurait dû se méfier. Ouais. J'ajoute que cette affaire traitée par le FBI, seule habilité à traquer les espions sur le sol américain, a ravi les flics fédéraux, toujours prêts à tailler des croupières à leurs rivaux de la CIA. Pourtant, ils n'auraient pas dû se réjouir trop vite. Ah oui, à cause de l'affaire dont justement vous voulez me parler, l'affaire Hansen. Non, bien avant. Un mois après l'arrestation de Nicholson, le FBI doit avouer la présence d'une taupe en son sein. Qui alors? Un certain Earl Pitts. Ce type avait été chargé de la surveillance des agents du KGB en poste à l'ONU. Et il avait été retourné. Toujours la cupidité? Toujours, oui. Ah, oui. Enfin, lui aussi avait besoin d'argent, et contre quelques 200 et quelques 1000 dollars, il a livré aux soviétiques la liste de certains agents fédéraux qui étaient chargés de les surveiller. Ouais. Et vous parlez des soviétiques, hein, c'est bien ça, donc c'était avant l'implosion de l'URSS. Oui. Ouais. Or, ce Pitts a été démasqué bien des années plus tard, non? En 1996, exactement. Alors, est-ce qu'il a continué à collaborer avec les Russes, enfin les non, Russes non, non, non, parce qu'en 1992, il a été affecté à la base du FBI à Quantico. Ouais. Alors, que s'est-il passé, là? L'épouse de Pitts travaillait aussi pour le FBI, et elle avait deviné que son mari s'était livré à des activités douteuses, et sans doute prise de remords tardifs, elle a fini par le dénoncer. Eh ben. Et il a été arrêté? Ah, pas tout de suite, non. Le FBI a préféré le prendre sur le fait. Mais vous m'avez dit qu'il n'avait plus de contact avec les Russes. C'est juste. Alors le FBI fabrique de faux agents russes, des agents fédéraux qui prétendent être russes et lui tendent un piège. Et Pitts, toujours aussi cupide, tombe dedans à pieds joints. Et ça ressemble un peu aux méthodes utilisées par les agents américains des narcotiques. Exactement. Mais je voudrais dire que ces deux affaires, Nicholson et Pitts, étaient relativement mineures. Même si la première a valu au patron de la CIA, John Dutch, d'être limogé. Par contre, avec Hansen, on va changer de catégorie, car c'est tout le contre-espionnage américain qui va trembler sur ses bases lorsque cette affaire va être révélée. Ouais. Alors, on va voir dans le détail, mais par où commence-t-on, la biographie de Robert Hansen, par exemple? Si vous voulez. Hansen est né à la fin de la guerre à Chicago. Et d'ailleurs, quand il a été arrêté, il était sur le point de prendre sa retraite. Quel genre de famille? Classe moyenne. Son père était un policier qui a travaillé presque toute sa vie à traquer les communistes. Ah, il faisait lui aussi du travail de renseignement, alors. Oui, mais contre les communistes, alors que son fils, lui, finira par collaborer avec le KGB. Rébellion contre le père? Je ne crois pas, non. En fait, vous le verrez, les motivations de Hansen sont beaucoup plus complexes. Ce garçon est donc élevé dans cette famille très chrétienne, et tous ceux qui l'ont connu à cette époque s'accordent à dire que c'était un adolescent très poli, un élève discipliné et travailleur. Unique point négatif, Hansen était un solitaire et ne participait à aucune activité extérieure. Mais quelles études a-t-il poursuivi? Son parcours a été un peu sinueux. Excellent, mais sinueux. Il étudie d'abord la chimie et réussit son diplôme. Notez qu'il a choisi comme deuxième langue le russe. Ah, c'est intéressant, ça. Ensuite, Hansen se lance dans des études de dentiste. Puis il bifurque à nouveau et s'oriente vers la comptabilité. C'est un effet très bizarre. Enfin, quoi qu'il en soit, il obtient aisément son diplôme d'expert comptable. Et après avoir travaillé dans un cabinet, il entre au département de la police de Chicago. Et qu'est-ce qu'un comptable peut y faire? Il est enquêteur à la section financière. Puis en 1976, je crois, il est recruté par le FBI. C'est le début d'une brillante carrière au sein de la police fédérale. Et il s'occupe toujours de délinquance financière? Au début, oui. Mais assez vite, il rejoint les services chargés plus spécifiquement du contre-espionnage. Pourquoi? Parce que c'est un informaticien hors pair, et bientôt accrédité secret, l'équivalent de notre secret défense. Il est chargé de concevoir une base de données où sont regroupées les fiches de tous les officiers de renseignement américains. Et donc, au cœur du système. Et il a accès à des informations hautement confidentielles. Mais est-ce qu'il envisage déjà de trahir son pays? Je ne le pense pas. Encore que, d'après une lettre qu'il écrira plus tard à ses correspondants soviétiques, il affirmera avoir toujours voulu être une sorte de Kim Philby. Oui, Philby, là. La célèbre taupe britannique dont nous avons parlé assez récemment. Philby qui a sans doute été l'un des plus grands espions du siècle passé. Hansen avait donc une quasi-vocation. Oh, on peut l'imaginer. Hansen, il l'avouera lui-même plus tard, a pris beaucoup de plaisir à espionner, même s'il était parfaitement conscient des risques qu'il prenait. Hansen était un espion qui adorait espionner. Telle était, me semble-t-il, l'une des composantes psychologiques de cet étonnant personnage. Arrêtons-nous un instant sur la personnalité de Robert Philip Hansen. Le 5 mars 2001, le Time Magazine lui a consacré un long article. Voici ce que je lis. À 32 ans, il était plus mature que la plupart des jeunes recrues, souvent condescendant vis-à-vis de ses collègues et habité d'une grande foi religieuse. Les gens qui sont super religieux et pour lesquels seul Dieu est digne d'eux n'ont pas de temps à consacrer à de simples mortels, raconte un agent retraité, ancien employé dans la division soviétique à New York, où travailla Hansen de 78 à 81, puis de 85 à 87. Il pensait qu'il était mentalement supérieur à ses collègues et probablement à sa direction, affirme Robert Bryant, ancien assistant du directeur du FBI. En raison de cette subtile arrogance, il n'avait que peu d'amis au bureau et on le surnommait le croque-mort à cause de son teint cireux, de ses cheveux noirs, de ses complets sombres et de son regard dénué d'humour. Parce qu'il était très maladroit dans les relations avec les autres, on ne lui confia jamais la mission de recruter des agents soviétiques. Il n'avait pas un bon contact humain, selon un ancien collègue qui se demande si les cruels surnoms dont il était affublé ne l'ont pas poussé à trahir. Alors, espion par vengeance ou espion par vocation ? L'espionnage, c'est un jeu de cache-cache. Et pour cet homme austère, très religieux, qui méprisait une bonne partie de ses contemporains, sa double vie d'espion était peut-être un dérivatif. Mais une façon aussi d'affirmer sa supériorité. Sans aucun doute. Il jouait avec le feu et mettait au défi ses supérieurs, ses collègues, de le démasquer un jour. Mmh. Il y avait donc des raisons d'ordre psychologique, hein ? Mmh. Et l'idéologie, non, alors ? Non, non. Catholique intégriste ne pouvait pas adhérer au communisme athée. L'argent, alors ? Ah, l'argent. L'argent entre souvent en ligne de compte dans ce genre d'affaires. Et ce n'est pas toujours l'espion qui est demandeur. C'est aussi l'employeur. Car on tient mieux une taupe qu'on paie, comprenez-vous. Mmh. Alors oui, Hansen a été payé pour les services qu'il a rendus au KGB puis au SVR. Très cher ? Des sommes assez rondelettes, hein, plusieurs centaines de milliers de dollars. Ah, quand même, ouais. Mais il n'en a jamais profité, il a pris soin de ne pas modifier son train de vie. Mmh. Pour ne pas se faire remarquer. Naturellement. Ouais. Alors qu'aurait-il fait de cet argent plus tard ? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être mettre ses enfants à l'abri du besoin, mais je suis intimement persuadé que l'argent n'a pas été la motivation première de Robert Hansen, car il aurait pu obtenir des sommes beaucoup plus importantes eu égard au service qu'il a rendu aux Russes. Mais est-ce que son attitude n'a jamais inspiré de soupçons ? Non. Non, Hansen, dans tous les postes de responsabilité qu'il a occupés au FBI, s'est toujours révélé être un bosseur infatigable. Un type qui s'intéressait à tout, au système informatique, bien sûr, mais aussi à tout ce qui touchait l'électronique. Caméras miniaturisées, micros cachés. Voilà, la panoplie du parfait petit espion. Oui, et en outre, c'était un homme qui dévorait toute la littérature paraissant sur le sujet. Alors c'est vrai que parfois, cette boulimie de savoir étonnait. Mais on mettait ça sur le compte de sa curiosité, un point c'est tout. C'était donc un agent du FBI parfaitement noté. Tout à fait, ce qui explique son ascension fulgurante à l'intérieur de l'agence fédérale, où on lui a confié des postes de plus en plus importants, tous en relation avec le contre-espionnage. Le contre-espionnage est particulièrement la lutte contre les menées soviétiques aux États-Unis. Alors, revenons un peu en arrière. Hein. Comment a-t-il été recruté par les Russes ? Bah, il n'a pas été recruté, c'est lui qui a proposé ses services. Ah, mais comment alors ? Bon, très simplement, un jour, vraisemblablement en 1985, il a envoyé une lettre au domicile privé de l'officier soviétique en poste à Washington. Était-ce bien prudent, ça ? Hansen était bien placé pour savoir comment était exercée la surveillance de cet agent du KGB. Donc il n'a pris aucun risque. Il savait que ce courrier ne serait pas ouvert. Et dans cette lettre, qu'écrivait-il ? À l'intérieur, il y avait une deuxième enveloppe cachetée. Une enveloppe qui devait être remise en main propre au chef du contre-espionnage à l'ambassade soviétique, un certain Cherkachin, colonel du KGB et spécialiste de la manipulation des agents doubles. Et là aussi, Hansen disposait des informations nécessaires pour savoir à qui s'adresser ? Bien sûr. Alors je répète, qu'avait-il dans cette lettre ? Mais d'abord, oui. L'envoi était anonyme. Oui, bien sûr. Hansen se contentait de signer B. Il demandait 100 000 dollars en contrepartie de la fourniture de documents classifiés sur le renseignement américain. 100 000 dollars, c'est beaucoup, hein ? Sans doute, mais en demandant tout de suite une aussi grosse somme, Hansen indiquait ainsi qu'il était capable de fournir des informations de la plus grande importance. Oui, il aurait pu bluffer. Vous avez raison. Mais dans cette même première lettre, Hansen envoyait une information capitale qui devait justifier le fait qu'on le prenne au sérieux. Quoi ? Les noms de trois taupes. Trois officiers du KGB en poste aux États-Unis qui avaient été recrutés par les services américains. Trois hommes qu'il trahit. Ça commence à devenir grave. Hein. Incontestablement. Hansen sait très bien ce qu'il fait et connaît parfaitement les méthodes du KGB. Sous des prétextes divers, ces officiers du KGB se sont rappelés à Moscou et aussitôt arrêtés. Deux seront fusillés, le troisième condamné à une longue peine de prison. Hansen a donc du sang sur les mains. Mais ça ne le dissuade nullement de continuer à aller à l'église chaque dimanche avec sa petite famille. C'est vraiment un étrange personnage. Oui, hein. Mais peut-être a-t-il réussi à construire un mur entre ces deux vies. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et quelle suite les soviétiques donnent-ils à la première lettre de Robert Hansen? Ils sont immédiatement intéressés. D'autant qu'il s'avère que les trois officiers du KGB donnés par Hansen étaient bien des taupes. Donc les soviétiques vont répondre favorablement? Ben, ils ne le peuvent pas. Non seulement ils ne savent pas qui est ce mystérieux B, mais ils sont dans l'impossibilité de le joindre. Parce que dans sa lettre, il n'a donné aucune indication, aucun mode d'emploi? Non. Hansen entend rester maître du jeu. Et d'abord, bien entendu, pour préserver sa propre sécurité. Et je peux vous dire tout de suite, jamais les Russes ne l'identifieront formellement. Il devait quand même avoir une idée, ne serait-ce qu'en raison de l'importance des informations transmises par Hansen. C'est certain. Il n'était qu'une poignée au FBI avoir accès à des renseignements aussi sensibles. Donc il savait que leur taupe appartenait à un très petit cercle du contre-espionnage américain. Mais avait-il besoin d'en savoir plus? Ce qui comptait pour eux, c'était que Hansen continue à leur fournir des documents. Donc, au fond, c'est toujours Hansen qui a eu l'initiative. Mais peu de temps après l'envoi de la première lettre, un gros paquet arrive au domicile de l'officier du KGB, ouais. En poste à Washington. Un nouvel envoi de ce mystérieux B. Oui. Et que contient ce paquet? Un échantillon de ces documents classifiés que Hansen a promis d'envoyer. Et pourtant, il n'a pas encore reçu d'argent. Non, mais il sait qu'au vu des documents qu'il a transmis, les hommes du KGB n'hésiteront pas à payer lorsqu'il le demandera. Et ça ne tarde pas. Un troisième courrier arrive et cette fois, ce professionnel du renseignement indique précisément la marche à suivre. C'est le mode d'emploi, c'est oui, ça? Oui, Hansen a choisi le système bien connu de la boîte à lettres morte. Une procédure qui exclut tout contact physique entre l'agent et son officier traitant. On en a déjà parlé, il s'agit d'utiliser des caches. Des caches désignées à l'avance et qui se trouvent généralement dans les lieux publics. Un signal disposé à quelque distance indique si la cache a été approvisionnée. De la même façon, par un autre signal, la taupe rend compte de la réception de la lettre ou du colis. Et en l'occurrence, que propose Hansen? Il a choisi comme cache un petit pont situé dans un parc de Virginie. Le paquet soigneusement enveloppé dans un sac poubelle doit être déposé près de la pile du pont. Et les signaux? Des morceaux de bande adhésive collés sur des panneaux routiers. Hansen a tout prévu. C'est ainsi qu'il va recevoir ses premiers 100 000 dollars. Puis il va marquer une pause. Une pause qui va forcément inquiéter les Russes. Parce qu'ils pensent que B, hein, c'est ça? B a rompu, mais pourquoi cette pause alors? Hansen est obsédé par sa sécurité. Et après sa première livraison, il attend de voir ce qui se passe. Au FBI, hein? L'exploitation des renseignements fournis par une taupe représente toujours un risque pour celle-ci. Or, Hansen était l'un des seuls agents du FBI à posséder les informations livrées au KGB. En outre, ne l'oubliez pas, il avait quand même dénoncé trois hommes. Leur arrestation, si elle était connue à l'Ouest, pouvait déclencher les soupçons et accroître les mesures de sécurité. Oui, je comprends. Donc, prudemment, il s'efface. Provisoirement. Car bientôt, il va reprendre contact. Et il va faire parvenir des milliers de documents au KGB, puis au SVR. Le FBI a publié au début de l'année 2001 le dossier d'accusation de Robert Hansen. Curieusement, on y trouve des extraits des lettres que la taupe envoyait à ses correspondants. Mais nous y reviendrons avec Monsieur X qui a une explication. Confidentiel Défense, un site internet qui publie des informations sur le monde du renseignement, cite un passage de l'une de ses lettres dactylographiées. Pour la sécurité du patrimoine de mes enfants, je souhaite que vous me fassiez parvenir des diamants en attendant des temps meilleurs, lors desquels vous pourrez acheter mes services comme conférencier. Tôt ou tard, j'apprécierai un plan de fuite de votre part. Jamais rien ne dure. Le journaliste de Confidentiel Défense commente. Cette dernière phrase indique clairement qu'Hansen songeait à Kim Philby qui, une fois réfugié en Russie, vécut effectivement de conférences spécialisées qu'il donnait aux officiers du KGB au quartier général de Yassenevo. Pour autant, Kim Philby avait toujours refusé l'argent que lui proposaient les Russes car il travaillait pour eux par idéal. Le passage de cette lettre est donc très intéressant car il indique une certaine naïveté chez Hansen qui se montre d'emblée très gourmand avec des gens ayant un système idéologique de pensée et des rapports à l'argent opposés à ceux de la civilisation américaine. Hansen ne trahissait donc pas par idéologie comme Philby, mais plutôt, semble-t-il, pour vivre lui-même l'aventure du célèbre Anglais, ce qui, d'une certaine manière, lui faisait perdre un peu le sens des réalités. Il lui fallait donc trouver un motif valable aux yeux des Soviétiques, car il n'avait pas non plus de gros besoins matériels. Mais ses véritables motivations étaient inavouables, parce que, de manière irrationnelle, elles correspondaient à un fantasme, ce que ne pouvaient comprendre d'eux-mêmes les Russes. De plus, la nature des rapports fut scellée dès le départ par la première demande de 100 000 dollars. Pour les Soviétiques, quelle que soit la valeur des informations que leur remettait Hansen, ce dernier ne pouvait être considéré que comme un personnage mercantile indigne de leur considération. On peut raisonnablement supposer que si Hansen avait plutôt tenté de faire croire qu'il agissait par idéologie, il serait aujourd'hui en sécurité en Russie. Quelle est exactement la nature des informations fournies par Hansen aux Soviétiques ? Oh, c'est très varié. Spécialiste du contre-espionnage, il a essentiellement permis à Moscou de déjouer les pièges tendus par la CIA ou le FBI. Du coup, les agents du KGB ont pu évoluer avec plus de sérénité sur le sol américain. Hansen a aussi révélé une extraordinaire opération mise en œuvre par la NSA, l'Agence Nationale de Sécurité. De quoi s'agit-il, là ? Les Américains avaient commencé à creuser un tunnel sous l'ambassade de l'ex-URSS à Washington. Un tunnel, dans quel but là ? Ça ne vous rappelle rien ? Je vous ai raconté il y a fort longtemps que dans les années 60, les anglo-saxons avaient creusé un tunnel à Berlin. Oui, pour surprendre les secrets des communications des soviétiques. Oui, le tunnel commençait à Berlin-Ouest et aboutissait au sous-sol du bâtiment qui abritait le commandement des forces communistes. Eh bien, à Washington, il s'agissait à peu près de la même chose. Les Américains voulaient installer des systèmes d'écoute sous l'ambassade soviétique. Et Hansen a donc dévoilé ce projet à ses correspondants. C'est exact. J'ajoute, et c'est très intéressant, que cette affaire avait été envisagée avant l'effondrement de l'URSS et que son commencement d'exécution a eu lieu alors que la Russie avait cessé d'être soviétique. C'est une nouvelle preuve que la fin de la guerre froide n'a pas du tout affecté les activités d'espionnage de part et d'autre. Oui. Et la révélation de cette affaire après l'arrestation de Robert Hansen a jeté un froid sur les relations entre la nouvelle administration Bush et le gouvernement russe. Robert Hansen a entamé sa collaboration avec Moscou en 1985, et il n'a été arrêté qu'en 2001. Oui. Pendant cette longue période, alors, il n'a jamais fait l'objet de soupçons ? Ben, je vous ai dit qu'il est extrêmement méfiant et prudent. Ouais. Et aux différents postes qu'il a occupés, il était le mieux placé pour découvrir s'il était soupçonné. Il consultait d'ailleurs régulièrement son propre dossier sur les ordinateurs du FBI. Attendez, mais ces intrusions ne risquaient-elles pas de laisser des traces dans les systèmes informatiques ? C'est probable, en effet. On a même dit que c'était l'une des raisons de la chute de l'espion. Ses collègues se seraient interrogés sur ses recherches trop fréquentes. Mais je n'y crois pas trop. D'abord parce qu'Hansen était un brillant informaticien et qu'il a certainement effacé toute trace de ses intrusions. Ensuite, si on a lancé cette explication à destination de l'opinion, c'était pour dissimuler autre chose. Ah oui, un rideau de fumée, c'est oui, ça. Oui, le FBI ne tenait pas à ce qu'on sache comment Robert Hansen avait été démasqué. Mais j'imagine que vous le savez. Encore un petit peu de patience. Et puis une nouvelle preuve de la prudence de Robert Hansen. À plusieurs reprises, l'espion a préféré oublier ses correspondants russes. Comme la toute première fois, là. Oui, au début des années 90, le FBI et la CIA ont acquis la conviction qu'une taupe agissait au sein des services secrets. C'est qu'ils avaient de bonnes raisons de le penser. Ils étaient intrigués par l'échec de certaines de leurs opérations. Une cellule ultra-secrète avait même été mise en place. Quoi, afin de démasquer la taupe ? Évidemment. Et encore une fois, cette information ne pouvait pas passer inaperçue de Robert Hansen. Par conséquent, il a décidé prudemment de faire le mort. Et c'était d'autant plus facile pour lui que dans les contacts avec les Russes, c'était toujours lui qui prenait l'initiative. Et alors que ceux-ci ignoraient toujours qui il était. C'est cela. Ouais. En 1994, il a dû respirer lorsque Heldrich Hems a été arrêté. C'est-à-dire qu'il a renoué avec les Russes à ce moment-là ? Enfin, après l'arrestation de Hems ? Non, il a encore attendu, car la chasse aux taupes continuait. Et en 1996, elle a donné de nouveaux résultats avec l'arrestation, dont j'ai déjà parlé, de Nicholson et Pitts. Alors, il a encore attendu. Mais alors, quand a-t-il renoué ? Ah, très tardivement, en 1999. Pourquoi ? Cette année-là, Hansen m'avait dit qu'elle allait bientôt prendre sa retraite. Sans doute, a-t-il voulu connaître une dernière fois les frissons du grand jeu. Il faut aussi dire que on en a eu la preuve après son arrestation, qu'il méprisait tellement ses collègues qu'il les croyait incapables de le démasquer. Il a même écrit à ses amis soviétiques « Vous surestimez le FBI ouais. ». Alors, peut-être qu'à partir de là, de ce moment-là, il a cessé d'être prudent ? Non, non, non, mais le danger est venu de l'autre versant. C'est-à-dire ? Du côté russe. Il n'a quand même pas été trahi par ses employeurs. Non, mais par un homme qui connaissait quelques-uns des secrets de l'espionnage russe. Expliquez-moi alors. Depuis longtemps déjà, les chasseurs d'espions se doutaient que la taupe appartenait au FBI, et à un très haut niveau. Mais malgré leurs investigations, ils avaient échoué à l'identifier. Aussi, décidèrent-ils d'essayer de retourner un agent russe. Afin d'obtenir des tuyaux sur la taupe. Oui. Mais vous avez dit que les Russes ne connaissaient pas l'identité de Robert Hansen. C'est vrai. Mais en opérant des recoupements, ils pourraient peut-être remonter jusqu'à lui. C'est ce qui a été fait. Oui. À l'automne 2000, le premier secrétaire de la représentation russe à l'ONU, Sergueï Tretiakov, a brusquement disparu. Et ce n'est qu'en janvier 2001, 4 mois plus tard, qu'on a appris qu'il avait fait défection et demandé l'asile politique aux États-Unis. Et ce diplomate était un membre des services secrets russes ? J'en suis persuadé, parce qu'il n'est pas arrivé les mains vides. Il possédait tout le dossier du mystérieux B. Toute la correspondance échangée au fil des ans entre Hansen et les services soviétiques puis russes. Mais le nom de Hansen ne figurait pas dans le dossier. C'est exact, mais le FBI avait désormais la possibilité de mener une véritable enquête pour découvrir qui il était. Attendez, Hansen appartenait toujours au premier cercle des dirigeants du FBI et il n'a pas été informé ? Eh bien, il semble que non. L'information n'a dû être connue que d'un très petit nombre d'agents fédéraux. Alors, là, on se trouve à l'automne 2000, hein, c'est bien ça ? Oui, et personne ne sait ce qu'est devenu Tretiakov. Je vous signale d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, pour le FBI, ce Tretiakov n'a rien à voir avec l'affaire Hansen. Oui, parce qu'il fallait protéger la source. Oui, ouais, d'autant que la défection d'un diplomate russe, une première depuis la fin de la guerre froide, risquait de causer quelques difficultés avec Moscou. Alors expliquez-moi comment le FBI a pu remonter jusqu'à Hansen. Dans une des lettres de Hansen, il y avait une description très précise du système des boîtes à lettres mortes utilisées par la taupe. Les agents du FBI ont examiné les lieux. Et ils ont trouvé un morceau de sac poubelle sur lequel ils ont relevé 2 empreintes. Ah oui, les empreintes digitales de Hansen ? Oui. Ça a sans doute été sa seule erreur, mais elle lui a été fatale. Oui, car il a suffi aux policiers de faire une recherche systématique d'empreintes digitales dans les fichiers du FBI. Naturellement, comme dans beaucoup d'autres administrations américaines, les agents fédéraux avaient dû tous accepter que leurs empreintes soient relevées au moment de leur engagement. Ouais, et c'est donc comme ça, alors, qu'il a été arrêté ? Non. Non, le FBI voulait le prendre en flagrant délit. Car contre lui, il n'y avait que ces 2 empreintes. Or, cette cache sous le petit pont se trouvait pas très loin de chez lui. Alors, le hasard aurait pu faire que ce sac poubelle se soit envolé de chez lui ? Ou que Hansen s'en soit débarrassé là en promenant son chien, par exemple. D'autant que son dossier était parfaitement lisse. Rien n'indiquait qu'il aurait pu être une taupe. Oui, je comprends. Oui. Par conséquent, il fallait le piéger. Oui. Et le FBI a installé une souricière près du petit pont où Hansen venait déposer ses documents et récupérer l'argent que lui donnaient les Russes. Et il a été pris les mains dans le sac au moment où il s'emparait d'une valise contenant 50 000 dollars. Le grand jeu était terminé. L'homme qui voulait marcher dans les pas de Kim Philby était perdu. Hansen, qui n'a pas encore été jugé, a décidé de plaider coupable afin d'échapper à la peine de mort. Il a donc décidé de collaborer avec le FBI. À propos de cette retentissante affaire, le journaliste du Monde, Jacques Isnard, en mars 2001, a publié l'analyse suivante. En dévoilant l'affaire Robert Hansen, Washington fait indirectement d'une pierre 2 coups. Les Américains montrent qu'ils n'ont pas baissé la garde à l'encontre des intrusions soviétiques sur leur sol et ils tentent de dissuader leurs alliés de coopérer avec Moscou, dont ils espèrent discréditer les méthodes. Ainsi, pour Washington, les Russes n'auraient qu'un seul et véritable objectif en tête, s'informer des capacités et performances technologiques que l'Europe maîtrise mieux qu'eux et les piller pour se les approprier à moindre frais et en faire profiter leur industrie de défense qui peine à financer sa modernisation. Mais la bataille qui s'instaure depuis l'arrivée de George W. Bush à la Maison-Blanche autour des grands programmes d'armement du futur est une autre paire de manches. Elle augure une explosion de coups fourrés entre services, chacun met la pression sur l'autre. Ne dit-on pas en effet aux États-Unis que le FSB a retrouvé avec quelques 300 agents potentiels à Washington le niveau des effectifs du KGB avant 1989 et en Russie, Ne rétorque-t-on pas que l'expansion des activités déployées par les services occidentaux en Europe centrale ou dans les États baltes est telle qu'elle constitue une menace pour Moscou ?